pas mon album 3, petit. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à la prod. Wesh monsieur le président, j'espère t'écoutes bien ma chanson. Les choses que tu vois pas, moi je les écris sur des vrais sons. L'histoire des quartiers où les jeunes rêvent de millions en espérant des plans de kidnapping avec rançon. Souvent finissent au ballon pour de banales séquestrations. Les soirées les plus calmes deviennent vite des films d'action. Musclés sont les réactions. Sa patate sec, ça casse les bouches en automation. Les fils jouent les nababs pendant que leurs mères font des ménages et nettoient les fesses des petits toubabs. Les mains dans la merde, leur au prix d'un kebab. Son salaire fait pas le tiers de ce que toi tu bédaves. On est dans Bicrave, arrachage et Gestapo yard. À l'âge où les gosses sages ont le nez dans les livres. On traîne tard, on s'embrouille avec les ch'tards. Un coup de panique et ta mère, espèce de sale bâtard. Prends des matraques dans la bouche, on est menotté terre pas. GAV 48 heures, ça mène nulle part. Étage de plomb en cellule à côté d'un clochard. Écoutez les gémissements d'un jeune chauffard. On sort, on prend une douche, on graille, on dort et c'est reti par partenaire. On est de retour sur le terre-terre. De retour sur le terre-terre. Ouais, poto, retour sur le terre-terre. Ouais, je viens. Il te fallait quoi? Ok, bah, salut, tu m'attends. Allez, bouge pas, j'arrive. Bouge à absent. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, on se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, ça se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. Wesh monsieur le président, fais-moi croquer dans ton bise. Mets-moi à l'aise ma gueule, vas-y fais péter les jeans. Laisse-moi profiter de la crise, moi je veux faire comme Watt. Voler les gens sans rien risquer si jamais Nicolas m'attrape. J'en ai marre de la bac et des stupes. Moi je veux faire du fric, fumer des buzz et puis vivre dans le luxe. Serrer des tasses avec des bêtes de face, des bombes de huc. Je sais, on veut tous les mêmes trucs, mais j'étais pas comme ça avant. Attends, je t'explique, fut une époque où j'avais de nobles buts. Faire ma réussite dans le rap et c'est utopique. En vérité, mon genre évolue au milieu des flics et des putes. Des tox, des traps, des pédés qui sucent. Babylone, ma main, la merde extra brute. Les anges s'éclipsent, y'a des démons même dans les cleps. Les chicots aiguisés de nos rottes et nos pits. Vas-y, bouffe-le, bouffe-le. Dans les cages d'escalier, y'a des petites. À peine 16 piges, elles avalent déjà le sperme des pauvres types. C'est pathétique, tragique. L'avenir se gâte, j'ai mal pour elles. Mais je m'en bats les couilles, moi je les touche à. Des fois je m'échappe chez une biatch qu'habite un beau diex. Une infotasse indépendante qui love mon sexe. Après je rentre, je gratte un texte, mais y'a rien à faire. Absent quelques heures et de retour sur le terre-terre. Wesh ma gueule, bien quoi? Vas-y, veux quoi la suite? Tu me le mets de côté, j'arrive, vas-y. Dis-lui, c'est bon, dis-lui, y'a ce qu'il faut, t'inquiète. Mais c'est rush, hein. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, on se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, ça se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. Wesh monsieur le président, comment je fais quand? À 4h du mat, un type veut se taper pour passer le temps. Il sort un schlass, tu crois je l'attends, je lui nique sa mère. Bouteille de rhum dans sa gueule, la race à son grand-père. Wesh monsieur le président, comment je fais quand? On me dit que juste devant, y'a un de mes bolos qui m'attend. Tu crois je lui dis pas maintenant? Mais t'es ouf ou quoi Renaud? Je prends sa maille, je le mets high, il vole avec les éléphants. Wesh monsieur le président, comment je fais quand? En fait sous ce sale toc se cache un sale lieutenant. Pour cette GTC maintenant, je vais bronzer rayer 3 ans. Wesh monsieur le président, tu me prêtes de l'argent? Fais-moi un mandat ma gueule, fais-moi transférer à la descente. Comment tu peux pas? Wesh monsieur le président, tu mens. J'ai l'habitude, ça me surprend pas. J'ai l'habitude, ça me surprend plus. Ouais ouais, allô allô allô, quitte pas, ouais écoute. Ouais, tu peux me trouver de... Trouve-moi du genre, il me faut un baveux, t'as vu. Il faut me sortir d'ici, j'en ai marre sa mère. Je vais péter un câble là-dedans. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, on se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. On occupe le terrain, H24. 7 jours sur 7, ça se tire dans les pattes. On n'est jamais loin quand les coups de feu claquent. Faut être du bon côté du flingue si jamais demain ça braque. Ouais. Si jamais demain ça braque, vaut mieux que tu sois du bon côté du flingue, petit. Toi-même, tu sais. Parce que sinon, t'as le caisson qui claque. Et ouais. T'as eu. Je voulais passer une dédicace à ma main Yasnek, Islem, Ibrahim, 17ème Nord, Saint-Ange, Diarra, wesh.